Salut, salut à tous et à toutes. Vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Voilà, bah, on va déjà saluer Robinson qui est à la technique ce soir. Salut. Et puis aujourd'hui, on accueille le collectif K-d'école. Il y a Franck et Dante qui sont présents avec nous pour nous parler donc du bouquin qui est sorti aux éditions Sileps en janvier 2016. Donc qui s'appelle Face à la police, face à la justice, guide d'autodéfense juridique. C'est la deuxième édition. On y reviendra assez longuement dans l'émission ce soir, depuis la genèse un peu de ce guide d'autodéfense juridique jusqu'à sa réédition il y a quelques mois. Et c'est en plus une super occasion d'être avec nous ce soir en ces temps de manifestations, d'actions, de grèves, de blocages qui sont de plus en plus criminalisés. Et réprimé par la police, poursuivi par la justice. Donc pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ce soir et qui ne sont pas familiers des façons de se défendre face à la police et à la justice, ça va permettre de vulgariser pas mal de choses, pas mal de termes, et surtout de se tenir informé de ce qu'on a le droit de faire quand on commence à être poursuivi pour des actions collectives ou des luttes. Donc on y reviendra longuement dans cette émission. On va aussi du coup parler de la grève général et du mouvement social en cours en diffusant un reportage qui a été réalisé devant le magasin Gibert Joseph. Donc c'était mercredi 9 mars dernier pendant la journée de grève générale, et c'était un rassemblement donc de travailleurs, de vendeurs, de magasiniers des magasins Gibert appelés par la CGT, et qui sont en lutte déjà même depuis plus longtemps que le 9 mars, mais qui ont profité de cette occasion justement pour concrétiser pas mal de choses qui se passaient dans les magasins et pour essayer de faire prendre de l'ampleur à ce mouvement. Et on en profitera aussi pour faire un petit agenda des différentes actions, manifestations, occupations, rassemblements à venir dans le cadre de ce mouvement social contre cette loi du travail, mais justement tout ce qui se dit et ce qui se fait et qui vise à élargir les revendications de ce mouvement à d'autres revendications comme à la levée de l'état d'urgence ou des contestations contre les violences et les crimes policiers. Voilà, on fera ça en fin d'émission. Ce que je vous propose tout de suite, c'est peut-être de passer à un court morceau de musique, si t'es chaud, ouais, Robinson. Avec plaisir. Et comme ça, après, on revient et on attaquera direct dans le vif du sujet avec le collectif K-d'école, donc ouais, qui est l'abréviation de Caisse de défense collective. Voilà, K-d'école. Voilà, on se passe à un petit morceau de musique. Allez, c'est parti. Ouais. Abyssinians, on va s'écouter Satama Sagana, c'est les prémices du reggae roots. Ça date de 1968. There is a life far, far away. Where there's no night, there's only day. Look into the book of life. Kings and the Lord of Lords sit upon his throne and he rules us all. Look into the book of life and you will see that he rules us all. Sit up on his Au fond près du radiateur, donc comme tous les mardis soirs à 19h sur FPP 106.3 FM, il y avait Mousse qui voulait introduire le sujet, mais juste avant je voulais revenir juste sur notre adresse mail, comme ça vous pouvez aussi participer à cette émission, nous donner des infos, des contre-infos, nous produire des critiques, des filets, des sons, des musiques, tout ce qui vous semble constructif pour participer et avancer, faire avancer cette émission. Donc c'est au fond près du radiateur @no-log.org, no-log.org. Voilà, au fond près du radiateur en minuscule, en attaché, sans accent. Et bah vas-y Mousse, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Face à la police, face à la justice, quels sont mes droits lors d'une garde à vue? Dois-je accepter la comparution immédiate? Comment puis-je me défendre? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, Face à la police, face à la justice, propose une vue d'ensemble des procédures pénales courantes, enquête, perquisition, fouille, contrôle d'identité, garde à vue, plaidé coupable, prélèvement ADN, procès, peine, fichier, droit pénal des mineurs. Chacun de ces sujets est évoqué dans les différents chapitres du guide. Face à la police, face à la justice, n'imagine pas que la procédure pénale soit une garantie pour les droits de celles et ceux qui se sont fait arrêter. Mais la machine répressive agit au nom de la loi. Connaître celle-ci, c'est apprendre la langue de son ennemi. C'est décrypter son idéologie pour pouvoir se repérer dans les méandres de ces dispositifs de répression. Il devient alors possible d'échapper aux pièges les plus grossiers et d'user de tous les moyens légaux pour s'en sortir au mieux. Donc, Franck, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous est venue cette idée de créer ce bouquin? Elle est venue en deux temps, si je puis dire, parce que le livre existait déjà. Et donc le collectif Cadécole a décidé de l'actualiser. Et peut-être d'abord, on peut présenter la première version du livre et comment ce livre est né au tout début. En fait, à l'origine, donc moi j'étais avec un copain à moi, on a écrit une première brochure il y a déjà plus de 10 ans. Et en fait, on s'est retrouvé un jour confronté à quelque chose qui arrive tout le temps, c'est-à-dire à des copains qui sont en garde à vue et qui se retrouvent ensuite entraînés dans la machine judiciaire à passer en comparution immédiate, etc. Donc c'est une situation qu'on avait déjà connue. On l'avait connue avec toutes les contextes de lutte et les manifs, etc. Mais là, il se trouve que la fois particulière qui a provoqué l'écriture de la brochure, c'était plutôt une histoire qui s'était passée dans la rue, des gens qui sortaient d'un concert, embrouille avec un épicier, ensuite descendent des flics, ça se passe mal, ils se font taper, ils se retrouvent au comico, ils se retrouvent en garde à vue, ils se retrouvent en comparution immédiate, etc., etc. Et donc à ce moment-là, comme d'hab, on s'était un peu mobilisé. Puis à chaque fois, les mêmes questions reviennent, c'est-à-dire mais au fait, la garde à vue, ça dure combien de temps? Est-ce que ça peut être prolongé? Après, ça se passe comment la comparution immédiate? Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut la refuser? Etc., etc. Des questions qu'on s'était déjà posées à l'occasion, évidemment, de manifs ou de choses comme ça, quoi. Et du coup, quand l'histoire a été finie, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer de trouver un moyen de pas se poser toujours les mêmes questions? Et du coup, on était parti sur une espèce d'idée comme ça, de rédiger un petit memento de tout ce genre de trucs. Au début, on était d'ailleurs quelques-uns sur le projet, mais finalement, on s'est retrouvés qu'à deux. Donc, on a fait tout le projet à deux et on a écrit une brochure où on s'est tapé en fait le code de procédure pénale en essayant de le comprendre. Alors, on n'était ni l'un ni l'autre juriste. Hein. Comme on dit, ce n'est pas nous qui nous sommes intéressés au droit, c'est le droit qui s'est intéressé à nous. Mais du coup, on s'est tapé ce truc-là avec, évidemment, et ça, c'était très important aussi, notre expérience personnelle et l'expérience de tous les copains et camarades qui sont passés par les locaux de la police, etc. C'est-à-dire, tout ce qui est un peu pratique, tout ce qui n'est pas forcément dans les bouquins, ni les bouquins de droit, ni nulle part, et qui permet aussi de donner une vision un peu... expérimentée, sensible quoi, de ce que c'est que ce genre de truc. Et éventuellement, voire de suggérer quelques petites pistes. On n'a pas forcément pu tout écrire, mais en tout cas, suggérer des petites pistes sur comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir dans certains cas, ou en tout cas, comment ça va se passer, à quoi on peut s'attendre, voilà, en particulier sur les interrogatoires, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment parti comme ça à la base. Ça a été une brochure. Ensuite, on a trouvé une maison d'édition, ça c'était 2-3 ans après, qui nous a dit bah, ça serait bien d'en faire un livre. Donc du coup, on l'a repris, on l'a un peu étoffé, on en a fait un bouquin qui est sorti en 2007 donc, et qui s'appelait déjà « Face à la police, face à la justice ». Et ce bouquin sorti en 2007, les années ont passé et forcément, au bout d'un moment, il n'est plus d'actualité. On avait déjà mis des actualisations sur Internet, en particulier quand il y avait une grosse réforme de la garde à vue en 2011. Mais enfin, il y avait plein de petits détails qui commençaient à plus être tout à fait d'actualité. Donc le collectif Cas d'école s'est dit il faut l'actualiser. Donc on l'a repris à quelques-uns. On a rajouté un chapitre sur les mineurs et surtout, on a mis toutes les lois les plus récentes. Et juste pour dire que quand on l'avait écrit, nous, au départ, on était donc deux personnes pas du tout juristes, donc avec l'idée vraiment d'expliquer, de le rendre compréhensible. On l'avait fait, bien sûr, relire par des avocats qui nous avaient donné leur avis. Là, avec le collectif Cas d'école, on a fait la même chose. Ça a aussi été relu par des avocats. Mais dans le collectif Cas d'école, il y a un mélange entre juristes et non-juristes. Mais l'idée, ça a été de garder le même côté accessible, d'expliciter les choses et de bien voir que le droit, c'est une langue qui est faite pour ne pas être comprise en réalité, pour utiliser des mots d'une manière extrêmement spécifique. Et donc, on a essayé de sortir de ce truc-là. Voilà. Ouais, donc à ce moment-là, des non-juristes comme moi ou d'autres camarades, on était là pour un peu dire si c'était compréhensible, si c'était pas trop dans le langage juridique. Le guide, ça reprenait pas des termes de la justice. Et aussi pour que ce soit aussi à visée pratique, quoi. Qu'on garde cette particularité, que ce n'est pas seulement pour traduire le code pénal, le code de procédure pénale, mais c'est aussi pour donner une vision d'une expérience qu'on a eue à plusieurs et aussi collectivement, de garde à vue, de passage au dépôt, de passage en comparution immédiate. Et là, de donner un peu des billes, quoi, en fait, aux camarades et aux gens qui vont passer entre les mains de la justice. Par exemple, on peut citer quelque chose qui n'est pas trop dans le code de procédure pénale, je pense, mais qui est garantie de représentation, quoi. Que quand on arrive en comparution immédiate, c'est-à-dire après la garde à vue, après le dépôt, on arrive et en fait, s'il n'y a pas des gens derrière qui transmettent soit au procureur à la section P12 à Paris ou au tribunal des garanties de représentation, c'est-à-dire par exemple une promesse d'embauche ou carrément le contrat de travail, la quittance de loyer, tout ce qui montre en fait qu'on est bien inséré dans cette société, c'est vrai qu'on a de fortes chances, si on refuse la comparution immédiate, d'aller en détention préventive, quoi. Tandis que si on a ces garanties de représentation, le fait de refuser la comparution immédiate peut permettre de préparer sa défense, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est utile à savoir et que les avocats ne disent pas forcément en comparution immédiate quand on a un avocat commis d'office qui souvent conseille d'être jugé tout de suite, quoi, pour passer vite, quoi. Mais du coup, dans le cas d'un SDF, par exemple, c'est... Dans le cas d'un SDF, il faut, si c'est un SDF qui a été... qui a été pris dans une action collective ou quoi, il faut que ses camarades, ses amis, lui trouvent des papiers, quoi. En fait, c'est exactement le genre de choses qu'on a essayé d'écrire de manière subtile, C'est-à-dire qu'on dit ce que c'est qu'une garantie de représentation, et après on explique que bon, ben, dans certains cas, une promesse d'embauche, par exemple, voilà, peut-être ça peut se trouver, ou un certificat d'hébergement. Et on explique aussi dans ce guide que le temps pour vérifier ces informations en cas de comparution immédiate est très très réduit, puisque enfin, concrètement, la justice n'a pas le temps de vérifier. Voilà. Donc exactement le genre de conseil tout à fait pratique qui se trouvera effectivement certainement pas dans le code et qui est donné sans qu'on dise aux gens vous devez faire ci, vous devez faire ça, sans qu'on leur donne des indications sur des choses pas légales à faire, mais en leur expliquant comment ça se passe. Après, c'est eux qui voient comment ils vont se démerder. Okay. Et juste pour bien préciser, parce que peut-être là, il faudrait que ça soit bien clair dans toutes les têtes des gens qui nous écoutent, parce que ce n'est pas forcément évident. En fait, ce guide, il est vraiment dans l'idée où on se retrouve confronté à la répression judiciaire. Et donc, c'est un guide qui parle de droit pénal, en fait. Il est bien évident qu'il y a plein d'autres types de répression qui existent. Il est évident aussi que le droit, c'est pas que le droit pénal. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on est dans un squat, ben, on a aussi à se défendre. Mais du coup, c'est du droit civil. Il y a plein de cas. Le droit des étrangers, ben, du coup, c'est du droit administratif. Donc, il se trouve que là, comme le point de vue, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est, en gros, on est arrêté, qu'on se retrouve collé devant un tribunal. Comment on se débrouille? C'est ça l'idée. Donc c'est centré là-dessus. Et du coup, il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas non plus comment porter plainte contre des flics ou qui que ce soit, parce que c'est vraiment dans la perspective que c'est nous qui sommes poursuivis. Ouais. C'est vraiment une perspective d'autodéfense juridique et de défense collective, quoi. C'est-à-dire quand on est inculpé suite à une action collective, de comment garder ce collectif et faire en sorte de négocier un peu le rapport avec l'avocat. Que ce ne soit pas l'avocat qui dicte aussi la défense, mais que du fait de savoir qu'on a, notamment par ce livre ou par les renseignements qu'on a pu avoir par la pratique, et avec le collectif, qu'on puisse négocier un rapport à trois, quoi, en fait. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, comme... sûrement vous l'avez vécu par expérience et quand on a l'inexpérience justement de ces confrontations face à la justice ou dans les commissariats face à la police, on est souvent laissé livrer à nous-mêmes, complètement désarmés, sans savoir si c'est bien d'accepter un avocat commis d'office ou si on peut faire appel à quelqu'un d'autre. Donc quand vous dites autodéfense, c'est aussi pour nous-mêmes avoir les armes et la connaissance de savoir ce qu'on peut faire, qui on peut appeler, plutôt que de faire confiance même à des avocats qui vont, comme tu le dis, pas forcément nous donner l'éventail des possibilités pour se défendre efficacement et éviter un maximum les poursuites au pénal, quoi. Bah, ouais. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est vrai que c'est souvent quand t'es en garde à vue, t'es un peu démuni, quoi. Ouais. T'as un peu... voilà, souvent, même si tu t'es fait arrêter, fait arrêter seul, quoi. Donc tu te retrouves coupé de l'action collective, hein, seul avec les flics. Et là, l'avocat, il est soit commis d'office, soit après le dépôt, tu vois aussi l'avocat si tu passes en comparution immédiate ou même devant le procureur. Et c'est vrai que tu as tendance, comme tu es avec l'avocat, à lui faire confiance. Or, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les avocats, c'est pas général, mais ça arrive souvent qu'ils soient... comme ils sont pris aussi dans la machine judiciaire, ils sont souvent proches des visions des juges, quoi. Ils sont souvent dans des négociations avec les juges, et pour eux, toi, tu fais que passer, quoi. Donc voilà, nous, on essaie de donner des outils aux gens en lisant ce livre, mais aussi, ce livre, il a été fait dans une perspective de défense collective, quoi, avec le collectif, quoi. Mais ça, je pense qu'on expliquera bien ce qu'on entend par défense collective en présentant notre collectif, cas d'école, etc. Mais simplement, en fait, ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un outil pour la défense collective, parce que ça veut dire que pour tous ceux qui, donc, dans le cadre des mouvements sociaux, des luttes, etc., sont confrontés à la répression, ben, il y a tout ce qu'il faut pour, quand on a besoin de le savoir très vite, il y a tous les détails, etc., pour se remémorer toutes les choses. Pour les gens qui sont actifs, il y a aussi moyen, s'ils veulent avant, de voir un petit peu comment ça peut se passer, etc. Mais ce livre, en fait, nous, on l'a publié, donc il est dans une maison d'édition, Sileps. La première édition aussi, c'était une maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait l'Altiplano. Parce qu'en fait, on veut aussi, somme toute, qu'il soit disponible pour des gens même qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, peut-être dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire peut-être pour des gens qui vont parler de leurs propres problèmes personnels avec la justice. Donc ça, il peut être utilisé aussi de cette manière-là. Après, nous, c'est vrai que la diffusion militante qu'on fait, parce qu'au-delà de la diffusion dans les librairies, il y a aussi une diffusion à prix libre qu'on assure, le fait que ce livre sera disponible aussi sur Internet, etc., gratuitement, tout ça, c'est évidemment dans notre esprit pour alimenter la défense collective. Mais le livre, du coup, eh ben, il peut servir à tout un chacun voilà, qui se retrouverait confronté au problème de la justice. Le livre est à 10 euros dans toutes les librairies ? Voilà, absolument, à 10 euros dans toutes les librairies et à prix libre si on vient le chercher dans les endroits où il est diffusé, bah, comme par exemple au Rémouleur, donc c'est 106 rue Victor Hugo à Bagnolet. Là, il est diffusé, donc diffusion militante, à prix libre. Et c'est quoi le Rémouleur ? C'est un petit local qui organise régulièrement des débats, des discussions, des projections et qui a aussi une librairie. Une bibliothèque, un infokiosque qui est ouvert le mercredi après-midi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 14h à 18h pour les permanences. Un bon travail. C'est à Bagnolet, c'est sur Victor Hugo, à Bagnolet, donc métro Robespierre. Donc là, le livre est en diffusion à prix libre. Donc si vous voulez payer un peu moins cher qu'en librairie, il n'y a aucun souci, venez là. Il y a aussi une petite brochure qui est téléchargeable. Ben, ça, il y a une brochure de la Caisse de défense collective qui est téléchargeable. Il y a aussi, en fait, parce que voilà, le livre, lui, c'est un livre évidemment et qui est très complet, mais qui est très long. Enfin, il fait à peu près 180 pages. Bon, c'est un petit format, hein, format de poche, mais 180 pages quand même. Et du coup, pour les manifs, les trucs comme ça, c'est bien d'avoir des trucs un peu plus légers. Et ça, en fait, tout un chacun, enfin, peut en faire un, toutes sortes de collectifs en font. Et justement, l'idée, c'est qu'ils peuvent aussi, s'ils veulent être sûrs, un peu vérifier les infos, regarder dans le livre pour revoir les choses importantes et bien sûr mettre un résumé qui soit lisible en quelques instants lorsqu'on est en action. Quoi, parce que c'est sûr qu'on ne va pas partir avec son bouquin en action pour, au milieu d'une charge de flic ou au moment où on arrive dans le panier à salade, se dire ah, « au fait, tiens, quelle page ?» Là, ça va être un peu tard, là. Pause, je lis la page 300 pour voir. J'ai eu l'occasion de le lire, en fait, en rentrant chez moi dans les transports. C'est vrai qu'il fait 180 pages, mais c'est un petit format. L'écriture, elle est super claire, il est super fluide, les chapitres qui sont bien décomposés. Du coup, il se lit assez rapidement, puisqu'avant d'arriver chez moi, je l'avais fini. Et en plus, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, c'est un bouquin pratique, tu peux ouvrir vite fait, avant d'aller à une manif, avant d'aller à une action collective, et essayer de te ressourcer un petit peu pour te remettre les idées en clair, pour savoir comment réagir et avoir plus d'assurance en fait, dans tes réactions et tes relations vis-à-vis de la police ou de la justice. Oui, nous, on a essayé de faire un index qui reprenne un peu les termes qui reviennent dans la bouche des flics ou des juges, qu'on puisse avoir un peu en tête, quoi, qu'on comprenne c'est quoi, par exemple, le parquet, quand ils parlent du parquet, du procureur, c'est qui fait quoi, c'est qui dit quoi, c'est les intérêts de qui sont en jeu, à quel moment, quoi. Pour avoir les idées un peu plus claires, donc il y a un index qui reprend les termes et où il y a les définitions qui sont envoyées à chaque page, quoi. Et voilà, ouais, comme on a dit, c'est aussi pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les militants, c'est pour essayer de se réapproprier un peu aussi cet outil-là qui peut être le droit. Ouais, je l'ai trouvé très clair, assez succincte, mais en même temps exhaustif, en fait. Plutôt exhaustif pour un lexique et plutôt succincte pour un livre, on va dire, tu vois. Oui, alors justement, à propos d'exhaustivité, sur ce qu'il traite, il essaye d'être assez complet. Après, il y a quand même forcément des choses, vous vous en doutez, qui n'y sont pas. C'est quand même un petit livre. Alors, il y a une chose importante qui n'y est pas en termes d'enquête, c'est ce qu'on appelle l'instruction. C'est-à-dire, c'est l'enquête où un juge d'instruction est nommé et mène l'enquête. Et ça, en fait, si on ne l'a pas traité, c'est parce qu'en réalité, ça aurait rallongé énormément le livre. Et parce que, et ça c'était un choix qui avait été fait dès le livre de 2007 en vrai, et aussi parce que il faut savoir que les instructions ne représentent qu'un tout petit pourcentage en réalité des enquêtes pénales qui sont menées. Alors à chaque fois qu'il y a crime, il y a une instruction, et quand il y a délit, il peut y avoir une instruction si il est considéré que l'affaire est complexe, mais en vrai, dans l'immense majorité des cas, On a affaire à des enquêtes rapides, soit qu'on appelle enquête de flagrance, soit qu'on appelle enquête préliminaire, dirigée par le parquet. En tout cas, ce genre d'enquête est de loin le plus important. Avec une nouvelle loi qui va bientôt être votée, l'enquête préliminaire va être encore sans doute, semble-t-il, plus renforcée et donc encore plus courante. Et donc ça, ces procédures rapides, c'est celles qui concernent la justice ordinaire, la justice la justice d'abattage, enfin vraiment la justice la plus massive, quoi, en vrai. Alors si, à un moment donné, effectivement, les gens ont des problèmes tels qu'ils sont en instruction, bon, bah, on s'est dit dans ce cas-là, malgré tout, ils auront peut-être le temps de voir un avocat, de prendre de se renseigner plus avant, hein. Mais pour ce petit guide-là, et par exemple pour les arrestations, mettons en manif, par exemple, avec comparution immédiate, bon, là, il y a tout. Donc effectivement, là, on a ce qui concerne le contrôle d'identité, les perquisitions, les fouilles, ensuite les auditions, les témoins, la garde à vue, le déferrement et la comparution immédiate, toutes les procédures, genre type plaidé coupable, hein, qui sont des nouvelles procédures, le procès devant le tribunal correctionnel, puis on a été donné un petit peu aussi des éléments sur les différentes peines, leur application. Là, c'est très rapide, hein, c'est pas complet. L'appel, le casier judiciaire, les différents fichiers, les mineurs, enfin voilà, on a essayé de couvrir un espèce de vaste espace comme ça, mais on n'a pas détaillé l'instruction. Bon, on en parle de manière très rapide. Et du coup, vous avez noté des changements assez conséquents entre l'édition de 2007 et la actualisation de 2016 ou... Oui, bah, oui, ça change tout le temps. Et vous allez me dire, et alors, pour les prochains changements, comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? Eh bien, on a un site qui s'appelle actujuridique.com. Et sur actujuridique.com, l'idée, c'est de mettre les actualisations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, par exemple, la loi... bon, il y a une loi là, qui est en ce moment, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale sur le rallongement des délais de prescription, par exemple. Bon, bah, rien que ça, déjà, si c'est voté au Sénat et que c'est paru au journal officiel, bah, on le mettra sur actujuridique.com et on dira, bah, attention, quand à telle page, on vous dit, voilà, la prescription du délit, c'est 3 ans, et ben c'est passé à 6 ans. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, telle page, vous enlevez 3, vous lisez 6. Et il y a une deuxième loi qui est en cours de discussion, qui va aussi modifier la procédure pénale sur certains points et qui va en particulier renforcer les pouvoirs du procureur en cas d'enquête préliminaire, et bah, c'est pareil, il y aura un petit texte sur actujuridique.com pour dire, bon, bah, voilà, là, il faut lire ça, ça et ça. Voilà. Donc, l'actualisation, il faut la faire. Et moi, je voulais revenir sur un terme à un moment qui est utilisé dans la présentation du bouquin, c'est la défense libre. C'est-à-dire... souvent on remet l'entièreté de notre défense à des spécialistes qui sont les avocats et comme tu le disais Franck qui n'ont pas toujours la même vision que nous de la défense, qui sont peut-être plus proches de la vision de celle des juges, en tout cas qui sont aussi des magistrats et donc qui sont là, quand même souvent de l'autre côté de la barrière, si on peut imaginer ça comme ça. Et c'est quoi en fait la défense libre et quelle importance ça peut avoir dans le contexte justement de la défense par rapport aux actions collectives et aux luttes sociales ? La défense libre, c'est la défense sans avocat en fait. C'était une revendication et une pratique qui a été pas mal mise en avant dans les années 70. C'est pas, nous, on parle plutôt de défense collective parce que l'idée, c'est d'essayer de remettre d'éviter effectivement de s'en remettre entièrement à un avocat et d'avoir les éléments nécessaires pour parler un peu plus d'égal avec lui et donc de rééquilibrer le truc. Mais après, ce guide peut bien sûr servir à la défense libre au sens où comme il donne un certain nombre d'éléments, éventuellement, il permet dans certains cas de se passer d'avocat. Mais nous, on parle plutôt de défense collective. Mais dans le bouquin, on précisait bien que si on se passe d'avocat, il vaut mieux éviter des termes juridiques ou autres parce qu'apparemment, il y a une espèce de réflexe corporatiste ou de classe qui joue automatiquement. Et plutôt de la jouer autrement, il me semble. Ah oui, non, mais totalement. Bah, alors là, en fait, justement, bah, le droit, c'est assez étonnant. C'est qu'en fait, il y a des termes, mais il y a aussi une manière de les utiliser. Et c'est sûr qu'à l'oreille, on reconnaît quelqu'un qui utilise des termes juridiques, mais n'est pas juriste, et quelqu'un qui est juriste. Simplement sa manière de parler, sa manière d'utiliser les termes, en fait. Et donc, effectivement, si on se défend sans avocat, il faut connaître le droit. Mais par contre, il ne faut pas arriver devant le tribunal en disant « moi, je m'y connais ». Non, il faut parler avec son langage, faut dire les choses telles quelles en disant bon, ben, je pense que si on veut se défendre sans avocat, c'est aussi hein, une prise de position politique, et je pense qu'il faut l'argumenter sur ce plan-là aussi. Hein, je dirais, c'est une revendication, c'est une manière de poser les choses, quoi. Parce que si vous parlez de défense collective avec des avocats, il faut que déjà les avocats acceptent ce qu'on a au début discuté là, quand au début de l'émission, c'est qu'il faut avoir des avocats qui acceptent qu'en fin de compte, au-delà de la personne qui est militante et qui n'est pas juste un sujet avec un professionnel, il y a aussi des collectifs qui sont là aussi pour soutenir, quoi. Bah oui, comme on parlait, l'enjeu pour nous avec la caisse de défense collective, donc qui a été créée dans les années 2012 à peu près, quoi, ça a été de négocier avec des avocats sur des principes politiques, c'est-à-dire de dire que voilà, c'est pas un rapport individuel d'un client avec son avocat, c'est que la personne qui se retrouve inculpée, c'est une personne, mais ça aurait pu tout aussi bien être une autre personne, en fait, qui est un membre d'un collectif, quoi. Et que donc la défense, elle doit s'articuler entre l'avocat, la personne inculpée et le collectif. Et nous, ça nous est venu. Bon, la défense collective, c'est quelque chose qui existait plus dans les années 70 aussi, qui a été pensé plus à ce moment-là. Mais qui a continué à exister dans les années 80 et 90, il y a eu des collectifs comme les collectifs autour de Strasbourg, de Caen No Border à l'époque et tout. Et en fait, c'est de continuer la lutte dans l'antirépression, en fait. Que l'antirépression ne soit pas un moment comme ça où la personne inculpée, elle est individualisée avec son avocat et isolée. Mais elle continue à être partie prenante de la lutte, quoi. Et que donc ça continue à être un moment où le collectif qui accompagne la personne inculpée continue à avancer des principes politiques, les principes de la lutte, les principes de l'action collective, même si la personne inculpée, elle n'est plus en position de parler devant le tribunal et qu'elle essaye avant tout de s'en tirer au mieux, quoi, en fait, hein. Et que le collectif à l'extérieur va pouvoir, lui, continuer la lutte, quoi. C'était cette idée-là, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai que l'idée de la défense collective, c'est tout simplement, voilà, dans un cadre de lutte, quand on en choisit un, la justice en choisit un pour le condamner, elle individualise, elle fait comme si c'était son problème personnel à lui, alors qu'en fait, évidemment que cette condamnation doit servir d'exemple pour tout le monde. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Et donc l'idée que tout le monde doit aussi d'abord se préoccuper de ça à l'avance et bien penser que la répression, il ne faut pas qu'elle empêche le développement des luttes, il ne faut pas qu'elle empêche les luttes de se continuer, et aussi penser que ce moment-là doit être un moment qui doit faire partie intégrante, en fait, de la lutte. Et du coup, en effet, c'est ça, voilà, l'idée qu'un collectif puisse parfois s'exprimer indépendamment de l'inculpé et de l'avocat, chacun sa parole, ça permet d'éviter parfois que, en gros, l'inculpé soit pris dans un espèce de choix cornélien entre revendiquer des choses politiquement devant le juge, mais se manger beaucoup, ou au contraire être obligé, en gros, mais de fermer sa gueule, voire pire, de se renier en partie ou de renier la lutte sans pouvoir rien faire. Donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir à se renier, de ne pas forcément politiser l'audience, parce que devant le juge, après, ce qui se raconte devant le juge, ce n'est pas forcément le plus important, mais par contre, de politiser le procès quand même, c'est-à-dire de bien dire qu'est-ce que ce procès signifie, qu'il est là pour s'opposer à une lutte, quel sens elle a cette lutte, quel sens elle avait cette action, quoi. Donc il y a un peu cette idée-là. C'est une possibilité qui est en tout cas ouverte par la défense collective, à notre avis. Ouais, et donc pour finir de répondre à ta question, ça, c'est vrai que c'était possible en parlant avec les avocats avant, quoi, que la caisse de défense collective... Il y a quelques avocats comme ça qui sont d'accord avec les principes, notamment celui que si une personne est prise d'une action collective et donc est inculpée, l'avocat, il n'essaye pas, pour défendre cette personne, d'inculper d'autres personnes, en fait, de faire balancer d'autres personnes ou même de mettre la faute sur l'action collective, quoi. C'est pas, si c'est ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est un des principes qui a été posé aux avocats. Et donc ceux qui ont accepté, ils ont accepté aussi ce principe, quoi. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Robinson, si tu veux juste nous présenter le morceau. Oui, Yano. On est toujours donc au fond près du radiateur. On va s'écouter Sayem, un artiste français. Le titre, c'est Orchestra. You wanna fight me, so why don't you get on with it? Sorry, I didn't mean to do that to you. Oh, dear. Now, our first problem is to find out who is this killer here. I think this killer is a top assassin. Many men can withstand my punch. You're real good. You're real good. You're real good. Vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. On est avec le collectif K d'école, caisse de défense collectif, et on parle du livre Face à la police, face à la justice, guide d'autodéfense juridique. Bah, Franck, si tu voulais reprendre la parole. Ouais, moi je voulais redire que par rapport à ce qui se passe en ce moment, voilà, que c'est un mouvement social qu'on espère naissant actuellement et qui va se développer. C'est que c'est une période de mouvement, comme c'était le cas en 2010, mouvement contre les retraites. Ils sont souvent cassés par la répression, quoi. Bon, mouvement de 2010, c'était la défaite, aucune revendication n'a été obtenue et tout. Mais il y a eu aussi beaucoup de répression, quoi. Il y a eu, à l'époque, beaucoup de camarades qui ont été arrêtés. Et là, c'était en fait la caisse, on l'a créée en 2012, donc la caisse défense collective, suite notamment à des moments comme ça, 2010, mais aussi beaucoup d'autres moments où la répression, elle a cassé des mouvements, cassé des actions collectives, des dynamiques collectives, elle a isolé des gens, elle a fini avec la lutte en fait. Et que donc on s'est dit qu'une caisse de défense collective, voilà, c'est pas vraiment un collectif, on a appelé ça une caisse de défense collective, dans le sens où c'est des outils en fait qu'on veut, nous, réappropriables par chacun, par chaque assemblée, par chaque collectif militant, par chaque personne qui se constitue en collectif. Et voilà, des outils qui peuvent être utiles, notamment dans des moments comme maintenant, comme dans les assemblées, que les gens puissent commencer à en parler, en fait, avant la répression. Parce qu'en fait, ce serait un peu, pour dire, c'est un peu comme préventif, quoi. Que si on en parle avant la répression, ça permet un peu voilà, d'anticiper, de discuter, de voir un peu, déjà de parler comment on fait si on se fait arrêter, si on est devant les flics, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un collectif qui se forme à l'intérieur de l'Assemblée ? Voilà comment ça se passe, quoi. Parce que après, c'est vrai que ça devient un peu trop tard, quoi. Ouais, et du coup, les outils en fait de cas d'école, bah, c'est justement, bon, bah, par exemple, le guide, ça dont on parle ce soir. C'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des contacts avec des avocats qui comprennent un peu, voilà, etc. C'est éventuellement bon, des aides au niveau financier si besoin. Mais en tout cas, c'est toute une série de choses. Mais pour nous, c'est parce qu'on veut essayer de sortir de la logique, et c'est ce qu'on fait avec le guide, de la logique de la spécialisation militante ou spécialisation juriste, avocat. Et du coup, ça veut dire que pour nous, si la défense doit être collective, c'est que les choses se sont réappropriées, ont été réappropriées par les gens qui sont en lutte. Du coup, on ne veut pas former une legal team du mouvement qui vient, par exemple, s'il se passe quelque chose d'important sur la loi El Khomri, etc. Par contre, ça serait bien que les gens qui sont en lutte, s'ils ont envie de se réapproprier ces outils, eh ben, ils puissent le faire. Donc, en fait, là, ils sont à disposition. Voilà, nous, on a un mail, cadecole@riseup.net. Et voilà, il y a moyen de discuter sur comment faire pour utiliser, bien sûr, dans le cadre de ces principes qu'on a évoqués aujourd'hui, hein, mais comment faire pour les utiliser si besoin est, si du coup il y a des gens qui sont pris dans ce mouvement, pris dans le mouvement et qui veulent anticiper ces questions-là, ben, nous, on veut mettre une boîte à outils disponible. Et je voulais insister du coup sur vraiment l'importance de parler de ces questions-là en amont et notamment dans les assemblées, même si justement on n'est pas un groupe clandestin radical, ça concerne vraiment tout le monde parce qu'aujourd'hui, toute action collective, elle peut très vite être criminalisée. On peut vraiment se retrouver directement, alors qu'on ne s'y attendait pas, face à la justice, face à la police. Et notamment, vous citez un exemple, je crois, dans le bouquin, avec un délit pénal qui est participation à un attroupement ou une manifestation interdite. Et ça peut tomber sur n'importe qui, justement, et surtout dans le cadre d'un mouvement social comme aujourd'hui, quoi. Ouais, bah c'est ce qui s'est passé en 2010, par exemple. C'est qu'une action collective était prévue. Et c'est ça, ils ont arrêté, je sais pas moi, 50, 60 personnes alors qu'il y avait un millier. Et après des 50, ils en ont sorti 5 pour dire participation à l'attroupement interdit. Et voilà, ça prend du temps. Après, c'est comme ça, quoi. C'est essayer de prévoir ce genre de choses, quoi. Et du coup. Donc peut-être pour plus parler de cas d'école, donc du fonctionnement de cette caisse, si bah, justement vous pouvez un peu nous éclairer sur le fonctionnement, parce qu'on parle justement d'avocats qui sont liés à la caisse, qui connaissent un peu les principes de la défense collective, si vous pouvez un peu développer là-dessus. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est que les avocats, on les a contactés là-dessus, quoi, sur le fait d'être d'accord pour considérer le collectif, que pas forcément cas d'école en fait, que ce soit le collectif militant de lutte, comme un interlocuteur, quoi. C'est-à-dire de préparer avec le collectif et la personne la défense, quoi. Et que en fait l'avocat, il aura affaire à la personne ou à sa famille, comme ça arrive souvent que quand la personne est jeune, l'avocat il se retourne sur la famille pour lui demander de l'argent ou quoi. C'est que là en fait tout le processus judiciaire, il se passe avec le collectif de lutte, en fait. Et donc, selon certains principes, quoi. C'est-à-dire que les principes de l'action collective, c'est pas possible de faire une défense qui trahisse, en fait, les principes de l'action collective. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, comme si la personne est accusée d'avoir jeté une pierre sur les flics ou jeté n'importe quoi, ce qui est souvent faux, mais de pas dire, ah, les gens qui jettent des choses sur les flics, c'est pas bien, c'est pas... Voilà, voilà, par exemple, sur ce cas-là, eh ben, il faut dire non, il ne l'a pas fait, mais il ne faut pas justement porter de jugement, même à l'audience, même par l'avocat, sur ce type d'action. C'est un peu ça l'idée, quoi, vraiment. Et du coup, techniquement, en fait, vous, vous parliez aussi des avocats donc, qui sont liés à cette caisse. Par exemple, c'est des avocats qui forcément acceptent l'aide juridictionnelle parce que souvent, on se retrouve aussi démunis financièrement par rapport... moi, je sais qu'un avocat, un entretien d'une heure, des fois, ça peut monter jusqu'à 600 euros. Donc, comment on peut s'en sortir face à cette logique aussi, quoi ? Totalement. Alors, en fait, les avocats ne sont pas liés à la caisse au sens où c'est des avocats qui voilà, ont leur clientèle, bien sûr, mais qui ont aussi un côté, en tout cas, militant ou en tout cas sympathisant, quoi, et qui, du coup, en effet, accepteraient, dans le cadre de lutte, d'arrestation lors de lutte, etc., de manifestation, de fonctionner selon ces principes-là, bien sûr, avec l'AGI, etc. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que ces avocats... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a ces avocats, il y en a un certain nombre qui sont déjà bien connus, des militants qui sont, ou des gens qui font souvent des manifs et tout ça. Donc, je dirais, il y a des gens qui n'ont peut-être pas du tout besoin de cas d'école, hein, parce qu'ils ont déjà ces contacts-là, en réalité. Mais par contre, dès qu'on le mouvement est un peu plus large, je trouve ça bien, moi, quand les assemblées qui impulsent les manifestations ou qui impulsent les participations aux manifs, les occupations ou n'importe quoi, je trouverais bien qu'elles se préoccupent de ça parce qu'il y aura aussi des gens qui vont être pris dans la répression pénale et qui seront peut-être eux qui auront peut-être moins de contact. Et donc, du coup, il y a ça aussi, le contact que nous, on a développé avec des avocats, c'est aussi par rapport à ces gens-là. Ouais, voilà, que ce soit utile pour l'Assemblée qui organise l'action, qu'elle prenne en charge aussi cette question-là, c'est-à-dire en faisant passer un numéro d'avocat, voilà, comme ça se fait. Hein. Mais bon, là, c'est un mouvement social que se prend en charge, qu'il y ait un avocat qui soit anticipé de permanence, quoi, qui soit disponible. Après, la forme elle-même que ça peut prendre, après, c'est évidemment aux assemblées d'en discuter. Par exemple, c'est possible d'avoir dans certains cas, effectivement, un avocat prévenu à l'avance, disponible pour passer en garde à vue. Bah, du coup, dans ce cas-là, nous, on a vu comment est-ce qu'éventuellement... il pouvait être dédommagé. Voilà, bon, ça, c'est des questions qui, justement, ont été négociées à l'avance. Et ça, après, c'est vraiment aux gens qui s'organisent dans la lutte de voir qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils peuvent dire non, on ne veut pas forcément quelqu'un à l'avance. Par contre, si on a des problèmes après, on veut pouvoir contacter un avocat. Donc ça, vraiment, il y a plein de manières d'envisager les choses. Nous, on est prêts à en discuter avec ceux qui, justement, voudraient se poser cette question-là. Voilà. Ouais, voilà, nous on est disponible pour en discuter dans le sens où on n'y pense pas forcément, quand on organise une action collective, c'est possible de demander à un avocat de permanence, soit de passer en garde à vue, soit de pas passer, quoi, en fait, qu'il sera disponible pour ensuite, quoi, je veux dire, parce que c'est pas forcément nécessaire, ça dépend qui, mais bon, une fois que t'es en garde à vue, t'es en garde à vue, quoi, donc voilà, mais en tout cas que les gens ils sachent que s'il y a une complication, eh ben, il y aura un nom d'avocat qui circule, il y a un avocat qui sera disponible pour ensuite, pour le dépôt, pour éventuellement la comparution immédiate, mais ils ne seront pas laissés seuls face à la répression, quoi. Mais j'insiste encore une fois, jamais cas d'école, tout seul, en tant que collectif, va prendre cette initiative-là, quoi. On ne va pas dire « Ah bah tiens, il y a une manif la semaine prochaine, tiens, hop, on contacte un avocat, hop, hop ». Ce n'est pas nous qui allons le faire. Pour nous, c'est des gens qui sont dans la lutte, qui doivent se poser cette question. S'ils veulent avoir recours à cette possibilité... Et il faut qu'ils puissent. Et donc, pour ça, on a mis en place des choses. Mais s'ils n'ont pas l'intention de le faire, on ne va pas le faire à leur place, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est un bouquin, en fait, qui serait pratique de lire au collectif avant, en fait. Et non seulement par l'assurance, quoi, parce que c'est vrai, en fait, de façon pratique, tu te retrouves en garde à vue ou tu te retrouves, genre, pour une vérification d'identité, on t'embarque quand même 4 heures, histoire d'approfondir l'histoire ou quoi. Quand tu es face à la police, en général, tu es tout seul. T'as une espèce de pression psychologique qui joue à l'intérieur de toi-même, qui est assez compliquée en fait à gérer. Et t'es pas souvent conscient de tes droits que tu peux avancer ou affirmer ou pas. T'es totalement déstabilisé, assez apeuré en général, stressé, angoissé. Du coup, même pour un truc tout simple comme prévenir un proche ou genre de délire, si le policier te dit non, tu sais pas comment argumenter pour lui dire non, mais c'est la loi ou c'est possible ou pas. Et du coup, c'est vraiment un bouquin qui doit être discuté avant et sur certains cas vraiment approfondi, quoi. Ouais, c'est ça, pour faire en sorte que ces moments-là ne soient pas des moments d'isolement total, de peur, de dépossession. C'est vrai que t'es, à ce moment-là, en garde à vue, tu es un peu en territoire ennemi, quoi. Tu es en territoire ennemi, tu es seul face à la police. Voilà, c'est un peu donner des armes, quoi. C'est ce qui est écrit dans le livre, hein, pour se défendre, quoi. Et du coup, je voudrais juste, voilà, si parmi les gens qui nous écoutent, certains veulent nous contacter, donc rappeler notre mail. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est cas d'école, mais peut-être qu'on est à la radio, il faut peut-être épeler, parce que ça s'écrit d'une manière, ça ne s'écrit pas comme un cas d'école, c'est un jeu de mots évidemment, mais c'est C-A-D-E-C-O-L, hein, cas d'école, comme les premières lettres donc, de caisse de défense collective. Donc C-A-D-E-C-O-L at riseup.net. Ok, et ben, peut-être pour finir, je ne sais pas, on avait 2-3 considérations sur la prochaine réforme du code de procédure pénale dans lequel ils vont inscrire éventuellement l'état d'urgence permanent et d'autres choses qui ont attrait justement à la question dont on parle. Peut-être si vous pouvez nous donner quelques pistes sur ce qui va probablement se passer, vu que vous avez l'air quand même pas mal informé. En fait, oui, en même temps, c'est toujours pareil, les lois sur la procédure pénale, elles n'arrêtent pas de changer. Ouais. Donc on attend d'être bien certain que, voilà, que de ce qui va être dedans pour actualiser. Après, il y a par exemple... c'est assez drôle, ils vont légaliser une vérification d'identité de 4 heures au poste, même pour les gens qui ont leurs papiers. C'est quelque chose qui va devenir légal. En réalité, ça, c'est une pratique de flic depuis toujours. Nous, on en parle dans notre guide et on explique que ça se fait. Donc ça, par exemple, ça va être légalisé, mais ça ne va rien rajouter à ce qui existe déjà, en fait. Même, ça, c'est assez rigolo. Même dans le cas des perquisitions administratives, je veux dire, mis à part qu'elles soient administratives à discrétion du préfet... Le perquisitionnaire a les mêmes droits que d'habitude. Ouais, alors par rapport à l'état d'urgence, justement, puisque là tu parlais de l'état d'urgence, et par rapport aux perquisitions administratives. Dans notre guide, il n'est pas question de l'état d'urgence pour deux raisons, d'accord. Il est sorti en mois de janvier, on aurait pu rajouter des choses au dernier moment dessus. En fait, quand même, l'état d'urgence, les lois actuelles sur l'état d'urgence, elles sont transitoires, elles sont temporaires, c'est-à-dire qu'elles vont s'arrêter. Elle a été renouvelée, elles vont s'arrêter à un moment donné. Alors ça ne veut pas dire que, comme tu l'as dit, il n'y a pas des choses qui ne vont pas être rendues, pérennisées, c'est-à-dire qui vont être continuées. Mais on ne sait pas encore exactement quoi. Donc du coup, pour nous, mettre ça dans notre guide, ça aurait été mettre des trucs dont on savait qu'au bout de 6 mois, ça allait changer d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça change pas beaucoup, mais il suffit qu'un détail ou deux ou quelques trucs changent pour que du coup, nous, il faut qu'on en tienne compte. Et l'autre truc, et ça c'est un peu plus technique, mais il se trouve que l'état d'urgence, c'est du droit administratif, en fait, parce que c'est pas de la procédure pénale, c'est des décisions qui sont prises en réalité par le ministère de l'Intérieur, la préfecture, la police, qu'il s'agisse des perquisitions, des assignations à résidence ou des interdictions de manifester. Du coup, les recours contre ces trucs-là, c'est des trucs très spécifiques, c'est aussi du droit administratif. Alors, sur notre site d'actualisation, actujuridique.com, on met aussi des choses en plus qui ne sont pas forcément dans le guide. Par exemple, on a mis, dès le moment où elles sont parues, ces lois, on a mis les dispositions de l'état d'urgence, on a mis effectivement des éléments qui concernaient un peu tout ça. Voilà, ça y sera et on y laissera. Mais c'est vrai que dans le guide, on ne met que vraiment ce qui est pénal et une fois que c'est voté. Hein, parce que, par exemple, il y a une autre loi là, sur la prescription qui vient apparemment de passer à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'elle ait été votée par le Sénat, qui va doubler les délais de prescription. C'est-à-dire qu'on va passer de 3 à 6 pour un délit, par exemple, de 3 ans à 6 ans. C'est pareil, on va... Ouais, la prescription, ouais, pardon. C'est, ouais, c'est le temps pour que le délit soit, entre guillemets, oublié, quoi. En fait, okay. Effacé. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, si... tu voles quelque chose ou tu te fais pas arrêter, mais qu'on sait que c'est toi, il faudra attendre. Avant, il fallait attendre 3 ans pour que ce soit, tu puisses te représenter tranquillement sans te faire arrêter. Maintenant, il faudra attendre 6 ans. Quoi. Mais ça, c'est un truc important parce que quand on a, vous savez, vous avez tous entendu parler du rappel à la loi. Le rappel à la loi, par exemple, c'est un truc totalement bidon. En fait, c'est juste un classement sans suite. Ouais. Donc, dans ces cas-là, on disait toujours, le flic dit à la personne qui a son rappel à la loi, oui, si pendant 3 ans, vous ne refaites rien, vous ne serez pas poursuivi, etc. Peut-être que ça va passer à 6 ans, parce que si le délai de prescription il passe de 3 à 6, du coup, peut-être que dans les rappels à la loi, maintenant, on dira 6 ans aux gens. On n'en sait rien encore. Il faudra attendre la pratique, voir ce que ça donne. Mais juste pour dire que ça peut avoir des effets, tous ces trucs-là. Mais ça, on attend quand même que les lois elles soient publiées au journal officiel pour mettre des actualisations, parce que souvent, ça change. Quoi. Et à un moment donné, ils te rajoutent un truc, ils t'en enlèvent un. Tant que c'est au niveau du Parlement, il faut faire un petit peu attention. C'est la même loi. J'ai eu une affaire avec des gens d'extrême droite, en fait. Et au parti, ils l'avaient... C'est quoi, juste nous, on va juste en parler hors antenne, parce que je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone qui en fait, oui, je crois oui, qu'il Raphaël est au téléphone. Excuse-moi. Mais il y a, du coup, juste avant de prendre Raph, on va quand même juste rappeler Le bouquin dont on parle, c'était Face à la police, face à la justice, guide d'autodéfense juridique. Donc c'est la deuxième édition. C'est donc cadecol@riseup.net. Donc cadecol@riseup.net. Vu que là on termine un peu en speed, si vous avez envie de continuer de discuter de ça, de poursuivre sur ce sujet. Et puis il y a des brochures sur internet. Puis comme tu disais aussi, il y a actujuridique.com, c'est ça, qui permet de faire un suivi vraiment en temps réel de ce bouquin et des précisions à apporter. Voilà, on va tout de suite enchaîner sans zik avec Raph au téléphone. On va rentrer aussi dans le vif du sujet, hein. C'est le mouvement social en cours. C'était donc un appel à la grève de la part du syndicat CGT Commerce devant Gilbert Joseph le mercredi 9 mars dernier. Allô, allô. Ouais, allô, salut. Ouais. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien, très bien. Allô, allô. Vas-y, on t'entend bien. Hein, si tu veux juste présenter le reportage qu'on va passer, ouais. Ok, ça marche. Mais, du coup, c'est un reportage, il dure 26 minutes. On l'a fait à la manifestation du mercredi 9 mars, pendant la journée de grève et tout ça, contre la loi travail. Et du coup, en fait, c'est essentiellement, comme tu disais, avec des salariés de Gilbert Joseph, donc des syndiqués, des non-syndiqués, il n'y a pas que des gens de la CGT. Et du coup, comment dire, en fait, on a fait ce reportage aussi parce que on voulait parler un peu avec les gens qui poussaient le mouvement. C'est un mouvement qui vient de la base. On a vu les grandes confédérations, elles sont syndicales, elles sont réunies, les directions syndicales, et pour rien faire, en gros. Et du coup, cette journée-là du mercredi 9 mars, elle venait vraiment de la base. Et du coup, voilà, c'est des gens qui nous racontent comment ça s'est passé la grève pour eux. Qui parle un peu du comment ils voient le mouvement en cours, et après c'est un peu une discussion sur la situation dans le commerce à Paris, qui est vraiment la cible à l'avant-garde de toutes les réformes. Genre ils sont pris la loi Macron. Ça roule, Raph. Et... Vas-y, on va le passer parce que sinon on n'aura pas le temps de terminer. Tu m'entends ? Ok, ouais, ça marche. Et je pense que ça parlera de soi-même, enfin, en écoutant. La musicale, c'est un son qui a été fait par. Un gars qui fait du rap, et pour, tu vois, le hashtag « on vaut mieux que ça », qui a agrégé pas mal de gens sur Internet autour de la pétition et des témoignages de salariés et tout sur la réalité du travail, tout ça. Ok. Voilà, ça, c'est la pause musicale, voilà. Ok, voilà. Merci, Raph. Tout de suite. Merci à vous. Ouais, pas de souci. Je te propose, qu'on enchaîne directement sur le reportage et on se retrouvera pour la fin de l'émission. La prochaine journée de manif et tout. T'inquiète, on va faire un agenda à la fin de les... Ouais. 17 mars, prochaine manif jeudi. Ouais, t'inquiète. Allez, salut Raph. Ciao. Vous travaillez à Gilbert Joseph. Aujourd'hui, il y avait un rassemblement à 12h devant le magasin, boulevard Saint-Michel à Paris. Et là, on a fait le trajet jusqu'à la place de la République. Aujourd'hui, vous êtes en grève. Et pourquoi vous êtes là ? Comment ça s'est passé au niveau de votre entreprise, quoi ? Alors au niveau de l'entreprise, c'est surtout la CGT qui a mené le truc. Alors moi je suis pas syndiqué, mais de manière générale je suis assez tout ce qui se passe. C'est comment ton nom en fait ? Sébastien. Okay, Sébastien. Et du coup comme j'étais étudiant, j'étais à une AG ce matin aussi avec les étudiants, essayer de voir si c'est possible d'organiser une convergence des luttes. Pour moi c'est pas juste pour défendre le code du travail. Moi je défends pas le code du travail. Pour moi le rapport salarial, c'est quelque chose qui structure notre société de base. Et là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de renforcer le poids de cette structure là dans la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de renforcer le rapport de domination qu'il y a du patron au salarié, quoi. Okay. Comment ça va se passer pour vous un peu si cette loi passe ? Même il y a eu la loi Macron un peu qui vous a impacté. Est-ce que ça vous a touché aussi ? Alors faudrait peut-être demander à ma collègue qui était là au moment de la loi Macron. Moi j'avoue que je viens de commencer du coup dans l'entreprise. Vas-y, dis un mot si tu veux. Pourquoi la loi Macron ? La loi Macron, ou même pourquoi toi t'es là et tout. Comment ton nom en fait ? Anna. Je ne suis pas syndiquée, mais... Je suis en dialogue régulier avec les gens de la CGT de mon travail. Ouais. Ce dont ils parlent me touche et je suis en accord avec eux sur le fait qu'effectivement, comme disait mon collègue, les patrons auront encore plus de pouvoir et que les salariés qui en ont déjà peu, qui sont déjà menacés par la crise de l'emploi et qui ont des salaires très bas par rapport aux efforts fournis et par rapport aux très hauts salaires qu'ont certains PDG.

les patrons qui font circuler une pétition auprès des collègues en leur demandant de signer contre les délégués du personnel qui mettent en péril la boîte, des remarques... Des intimidations quotidiennes, sexistes... C'est une boutique comme ça qui a pignon sur rue en plus, c'est d'établissement c'est la sur... la réputation des librairies de Saint-Michel, quoi. Les gens ne s'attendent pas à ce que les conditions de travail soient tout aussi merdiques que par ailleurs, quoi. Ok. Bon alors, un dernier mot, la lutte continue. Ok. Merci. Ok, on est de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis soirs 19-20h30 sur l'antenne de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. On va finir cette émission un peu dans le speed parce que comme vous le voyez, comme vous l'entendez, il nous reste 3 minutes avant 20h30 et la prochaine émission sur l'antenne. Donc on voulait faire un petit agenda des prochains jours si vous voulez vous retrouver en manif, en rassemblement, en action, en soirée de soutien. Il y en a pour tous les goûts. Donc on va commencer le mercredi 16 mars à 12h30, c'est demain, rassemblement festif de jonction avec les travailleurs en lutte. Ça sera à Nanterre devant la maison des étudiants de Nanterre. Donc il y aura aussi des gens de Goodyear, des cheminots, des postiers, des étudiants, des lycéens. Voilà, ça promet d'être un rassemblement pour la convergence des luttes. Le 17 mars, donc jeudi 17 mars, c'est une journée d'action et de manifestation appelée par les étudiants, les lycéens et des collectifs de salariés. Donc il y aura une manifestation à 11h à Nation, voilà, qui se veut joyeuse et déterminée. Et puis le matin même, je pense que beaucoup de facultés, d'universités, de lycées seront bloquées. Donc si vous voulez, allez vous balader dans les rues parisiennes et dans la banlieue pour voir un peu ce qui se passe. À mon avis, il y aura pas mal d'agitation. On passe au 18 mars, où il y a une soirée de soutien à la lutte et aux luttes des peuples du Kurdistan, qui sera organisée donc, à Latiéké. C'est ce qu'on appelle un névrose. Je ne vais pas commencer à vous expliquer ce terme, mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est le nouvel an kurde, en fait, en gros. Donc si ça vous intéresse de participer à ça, il y aura de la bouffe, de la zig, des concerts, de la tease et des tables d'infos. Ça sera à Latiéké, c'est à Saint-Denis, c'est boulevard Marcel Samba, c'est ça, hein ? Ouais, boulevard Marcel Samba, 31, arrêt du tram 8 Square de GTR ou le RER H&D Saint-Denis, voilà. Métroporte de Paris. Voilà, donc soirée de soutien aux luttes des peuples du Kurdistan. Et c'est dans le cadre de la semaine anticoloniale. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme de la semaine anticoloniale sur Internet en tapant ces mots-clés. Le 19 mars, à 15h, dans le même lieu, il y aura donc une réunion d'information, discussion, un événement sur les lois sur les caisses de soutien aux sans-papiers et aux migrants, donc sur ce qui a trait aux questions des sans-papiers et des migrants. On en parlera le 19 mars à 15h, toujours à Latiéké, même lieu, même endroit, quoi. Et le 19 mars, pareil, c'est le samedi, il y a une manifestation aussi à 14h, donc face à l'État policier légitime défiance. Ce sera 14h Gare du Nord et c'est la manifestation annuelle et nationale contre les crimes policiers, contre les crimes racistes et sécuritaires. Elle bougera donc à partir de 14h à Gare du Nord. Et le même jour, à 19h, il y aura un concert sur la même thématique de soutien aux luttes contre les violences policières. Ça sera à la Parole Errante, rue François de Vergue à Montreuil, métro Croix-de-Chaveau. Donc concert de soutien sur les mêmes thématiques. Et puis, voilà, on est en plein mouvement social, donc tenez-vous informés de ce qui bouge. Nous, on vous conseille, enfin moi, je vous conseille perso deux trucs sur Internet. Il y a le site Paris Lutte Info, qui est un site collaboratif et participatif, où vous pouvez retrouver plein d'informations, de communiqués et notamment un texte qu'on voulait vous lire, mais on n'a pas le temps. C'est l'appel du collectif de lutte indépendant de Nanterre. Vous pouvez retrouver un peu toutes sortes d'infos. Et puis, pour ceux qui concernent les mouvements de jeunesse, les étudiants, les lycéens, il y a un groupe qui est sympa à suivre aussi. C'est le mouvement Interlutte Indépendant. Ils étaient là à la radio, je crois, la semaine dernière. Ils ont un groupe Facebook et tout. Si vous pouvez aller jeter un œil pour vous tenir informé des blocages de lycée, des occupations de fac, tout ça, ça vaut le coup. On remercie Robinson à la tech. Merci. Il y avait Mouloud, Mousse. On remercie aussi le collectif Cas d'école qui était présent avec nous tout au long de l'émission. Et puis on fait une dédicace à Raph qui est à Montpellier. Une grosse dédicace à Janos qui a le virus Zika. Et à Sam aussi à Montpellier. Et à Sam à Montpellier aussi, qui est sûrement avec Raph. Et puis à Tiffen aussi à Marseille. Et puis à tout le monde qui nous écoute. Et que la lutte continue. Et puis à toutes celles et ceux qui sont aussi entre quatre murs et qui écoutent la radio et qui passent un moment un peu dur à vivre. Voilà, on leur passe le gros big up. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 19h sur la même antenne. Et puis, on a une rediffusion aussi. C'est le vendredi matin de 7h à 8h30. Une adresse mail aussi pour finir si vous voulez nous contacter. C'est au fond près du radiateur. @no-log.org. Et enfin un compte Facebook au fond près du radiateur. Voilà, toutes les infos sont dites. Allez, ciao.